Bonjour, Mais Plouzot, professeur à l'Université de Provence, procède à l'enregistrement numéro 4 de l'unité d'enseignement actuellement codée LMD 150. Nous sommes toujours le mercredi 15 décembre 1999. Nous poursuivons sur des questions de lexique, avec aujourd'hui deux verbes. La dernière fois, nous nous sommes intéressés à un adjectif dont nous avons étudié les occurrences, vous l'avez vu, sur un corpus réduit. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionnent deux verbes sur l'ensemble du percevable. Certes, à votre programme, vous n'avez qu'un petit morceau de Perceval. Mais naturellement, vous avez acheté les deux volumes de l'édition de Monsieur Lecoy pour posséder à la fin du deuxième volume les variantes, les notes et surtout le très intéressant glossaire. Donc, je considère que vous avez en main l'ensemble du livre. Par ailleurs, comme toujours, lorsque je vous ai fait des relevés, je placer les mots qui nous intéressent chaque fois dans un contexte assez généreux. Donc, pour les mots qui nous intéressent, en lisant les relevés, selon moi, vous pouvez tout de suite comprendre ce qui est en jeu. Puisque nous nous intéressons à deux verbes, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, ce qui concerne les contextes ou la situation, c'est qui sont les actants par rapport aux procès qui sont évoqués en termes de grammaire, qui est le sujet, qui est le complément, ou dit plus simplement, qui fait quoi. Si vous avez sous les yeux les relevés concernant le verbe avaler, et j'espère que vous les avez, vous voyez que ce verbe est très souvent attesté. J'ai souligné chaque fois le mot et souligné le numéro du verbe correspondant. Je vais vous lire les quelques premiers exemples et après je passerai directement aux commentaires, étant donné que chez vous, je vous conseille, je ne saurais le répéter assez, vous arrêtez ici la cassette, vous lisez d'abord dans la séquence tous les exemples. Vous essayez de réfléchir, tiens, qu'arrive-t-il à ce mot, et ensuite seulement vous réenfoncez la touche et vous écoutez ce que moi je raconte à propos de ce mot. Donc, les premières attestations de avaler sont les suivantes. Je lis simplement les relevés que j'ai sous les yeux. Ionez, qui les droits de sentier de s'avouer toutes et moutes volontiers apportées nouvelles à courte, à tous ses compagnons en cour, par une vertu devant la salle, et par une poster aval, tant qu'il vint au chemin tout droit, vers 1070. Et tantôt, une valette aval parmi les degrés de la salle, vers 1775. Maintenant, nous sommes dans votre passage au programme. Vous n'avez aucune excuse pour n'avoir pas regardé plus largement le contexte. Attends, del chastel avaler, s'il qui encontre lourd aller, vers 2531, toujours dans la partie du texte au programme. Tant que à une roche approche, et que l'eva la roche deutsche, qu'il ne peut aller avant. Et il vit par l'ève avalante une nef qui d'amont venouait vers 2990. J'aurais peut-être pu lire approche, tuèche, c'est une question pour moi très difficile à résoudre. La salle fut devant la tour et les loges, ou bien loge, devant la salle. Les valets, celles partent aval, 3052. Ainsi vers la porte s'en va, devant la porte une ponte trouva, Tornewitz, qui fut avalée, vers 3057. etc., etc. Je vous informe tout de suite que le verbe avaler, qui est formé sur a, et puis val, le val, c'est le contraire du mot, a pour sémantisme, pour scène principale, d'indiquer un mouvement du haut vers le bas. Si vous retenez ce sème principal et que vous vous reportiez à toutes les situations évoquées dans l'ensemble des attestations, vous verrez que ce sème est toujours sans exception réalisé. Maintenant que un verbe réalise un sème, c'est ici que ce verbe réalise ce sème, c'est ici une évidence, mais ce verbe nous présente des modalités d'emploi très différentes. Et là, nous allons examiner l'intérêt d'avoir des relevés nourris et exhaustifs. Quelles sont les modalités d'emploi de avaler? N'oubliez pas, nous sommes dans le cas d'un verbe, ce qui est très important pour nous, dans les études de lexique même d'un verbe, ce sont les façons dont le verbe se construit. Parce que selon la façon dont le verbe se construit, il est susceptible de signifier des choses différentes. De toute façon, la construction d'un verbe est partie inhérente de son fonctionnement. Eh bien, dans ce texte, il y a quatre types de construction du verbe avaler. La construction la plus fréquente est que le verbe avaler est non transitif. Et à l'intérieur de cette construction, la plupart du temps, le sujet du verbe avaler est un être animé. Exemple, 1070, et par une posterne avale, c'est Ionetz qui avale, vers 1775, et Tantost, une valets avale, c'est un jeune homme qui descend, etc. Ça, c'est vraiment le cas de figure le plus fréquent. Toutefois, à l'intérieur de cette construction, qui est la plus représentée, avec sujet représentant un animé, il faut noter que à deux reprises, ce sont des objets qui avalent. Quels sont ces objets? Le premier est une nef, c'est-à-dire un petit bateau, au vers 2990, et il vit par l'Ève avalante, une nef qui damont venouet. Donc, et il vit descendant au fil de l'eau une nef qui arrivait de plus haut. Par parenthèse, exemple très intéressant puisqu'il intègre la notion de fil de l'eau. Or, aujourd'hui, nous avons conservé le verbe avaler dans certaines locutions impliquant le fil de l'eau. Et au vers 2991, nous avons amont qui, sémantiquement, est opposé de a. Et que nous avons également conservé dans la description de cours d'eau. Donc le premier exemple de sujet non animé, c'est une nef qui d'amont venouet. Et le deuxième, il est au vers 3719, il est question de larmes, de lermes, nous dit le texte, d'une jeune fille, donc éplorée, et que faisaient ces larmes? Jusqu'au sein, li avaloué, elle lui avaloué jusqu'au sein. Je crois que, me semble-t-il, peut-être je sollicite le texte, mais peut-être pas non plus, nous pouvons tirer un enseignement de cette remarque. Massivement, avaler, intransitif, a pour sujet des animés, mais à deux endroits, il a pour sujet un inanimé, une nef, et puis des larmes, à deux endroits seulement. On peut se demander, vu les proportions d'emploi, si ces inanimés, une nef, et puis des larmes, des larmes, à partir du moment où on en fait le sujet du verbe avaler, verbe qui par ailleurs a pour sujet massivement des animés, on peut donc se demander si ces inanimés, par le simple fait qu'on en fait le sujet grammatical de ce verbe, ne sont pas vivifiés et sur le chemin d'une espèce de personnification de la part du romancier. Je soumets cela à votre méditation. Donc, c'était la première grande subdivision du verbe avaler, verbe non transitif. Nous avons un deuxième emploi qui est, se réalise dans le type « il s'en avale » au vers 7781, 8808 et 8956. Je vous lis les exemples. « Attends, s'en est jus avalets, 7781, en une chambre s'en avale, 8808, et enfin 8956, de la loge ou de la loge, jus s'en avale. » Ici, nous sommes en présence du verbe pronominal, auquel s'adjoint en outre le mot « en », qui est assez fréquent avec des verbes de mouvement. Pensez à « fuir » et « s'enfuir »,« aller » et « s'en aller ». Eh bien, pareillement, nous avons « avaler » et « s'en avaler ». Statistiquement, ces occurrences de « ou » en, avaler, souhait, ou avaler, souhait, en, qui serait plus correct au plan de la grammaire de l'ancien français. Statistiquement, ces occurrences de type il, s'en, avale sont bien moins nombreuses que les occurrences de type aval. Alors, si chrétien, ou si le texte que nous avons est vraiment un texte écrit et réfléchi, cela doit signifier quelque chose. J'ai donc regardé de plus près ces trois seulement, hein, occurrences de type « il s'en avale » pour voir s'il y avait une différence avec « il avale ». Et alors, je crois que j'en ai en effet découverte une. Si l'on relit bien les contextes, « attends, s'en est juste avalé », 7781. En une chambre s'en avale, 8808. Et puis, de la loge jus s'en avale, 8956, on s'aperçoit que le type il s'en avale, dans ces trois réalisations, est déterminé. Il est déterminé par l'ajout du mot jus, qui réduplique l'idée de vers le bas. Et par ailleurs, il est déterminé par la... Dans un cas, au vers 8808, par la mention du lieu où l'on va, en une chambre s'en avale. Or, si vous examinez toutes les occurrences de avaler, il est beaucoup plus rare que avaler co-occure avec jus, c'est même très très rare, et que avaler soit accompagné du complément qui indique la destination. Donc, dans ce corpus, il me semble que la répartition est la suivante. Avaler est le verbe qui ne précise pas où l'on avale, tandis que s'en avaler est un verbe beaucoup plus déterminé. J'en ai terminé avec le deuxième type, il s'en avale. La troisième construction représentée est une construction transitive direct. Elle est représentée à deux endroits seulement et les compléments sont les suivants. Dans un cas, le complément d'objet direct est les degrés, ça veut dire les marches. Cette construction est représentée au vers 3366 ou vers le treuve, la porte donc, si avale presto les degrés contrevales. Donc, on pourrait dire, il dévale toutes les marches. Et la deuxième construction de avaler transitif a pour complément d'objet direct une en-garde, vous la retrouverez, 6376, que cest en-garde à avaler. Pour ce, vous en loue mieux à lire que cest en-garde à avaler. Je vous conseille plutôt de partir plutôt que de descendre cette colline. Cest en-garde à avaler. Cette construction est beaucoup moins fréquente que la première. Enfin, nous avons, dans les deux cas que je viens de préciser, aval et transitif, les degrés aval et puis il avale une en-garde, le sens est descendre. Mais en fait, descendre le long d'un objet, hein, descendre. Nous disons encore descendre un escalier ou descendre une colline, ça ne signifie pas qu'on fait prendre à l'escalier ou la colline une position plus basse. Ça signifie que nous, sur l'escalier ou sur la colline, nous prenons une position de plus en plus basse. Ceci est très intéressant, en effet, parce qu'il y a une quatrième construction de avaler, où vous allez voir, le verbe est toujours transitif, mais où il se réalise dans un participe passé et où le sens est différent. Ces constructions se réalisent avec le mot pont au vers 3057, une ponte trouva, tornoitz, qui fut avalets. Il trouva un pont tournoi, un pont tourné, nous dit le texte, qui était descendu. Et enfin, au vers 3382, pour le pont qu'il vit avaler, à cause du pont qu'il vit descendu. Et ici, avaler signifie descendre, transitif, mais l'objet que l'on avale, c'est-à-dire le pont, est l'objet à qui l'on fait subir le changement de position. Dernière petite remarque sur avaler dans le texte. Vous voyez qu'en haut de la feuille dont vous disposez, j'ai écrit sujet, recherche de la séquence aval dans l'ensemble de Perceval L, à l'exclusion du mot simple aval qui est aussi bien attesté. Les résultats ne sont pas classés mais relevés au fil du texte. Que signifie cela ? Ça signifie que dans mon ordinateur, où j'ai le texte numérisé du Chrétien de Perceval, j'ai demandé de chercher les lettres qui se suivaient A, V, A, L. Et ainsi, l'ordinateur s'arrête sur toutes les séquences qui comportent A, V, A, L. Certaines de ces séquences me produisent le mot écrit aval, A, V, A, L, qui est un adverbe et qui signifie vers le bas. J'ai décidé de ne pas noter. Et pour le reste, j'ai tout noté. Et les séquences qui comportent A, V, A, L me donnent simplement, d'une part, le verbe avaler, dont je viens de parler, et d'autre part, le nom féminin, une avalée, qui se réalise une seule fois en 2979. Que il vint sur une rivière à l'avalée d'une en-garde, littéralement à la pente, à l'action de descendre, au fait de descendre, à la descente d'une colline. Selon ma méthode de capter le mot dans l'ordinateur, et j'insiste là-dessus, vous avez donc sur les feuilles l'ensemble des réalisations des mots du radical de aval présenté dans l'ensemble de Perceval, à l'exclusion du mot aval. Comment puis-je savoir que j'ai l'ensemble des réalisations du radical du mot aval? Vous pourriez me dire, il pourrait se produire que parfois le mot soit écrit avec un H initial ou bien avec deux V. Or, vous avez seulement cherché la séquence écrite A, V, A, L. Je vous répondrai que je disposais par ailleurs d'index complet des réalisations des mots dans Perceval et je me suis bien assurée que le radical de aval se réalisait toujours avec la séquence graphique A, V, A, L. Revenons à notre verbe avaler. Je dois vous dire qu'une chose m'a beaucoup étonnée, et vous pouvez le vérifier vous-même, c'est que tous les exemples du verbe sans exception sont situés en rime. Je ne sais pas ce que cela veut dire. J'ai quelques pistes, mais je ne suis pas sûre. Si un mot est rarement attesté et qu'il est situé seulement en rime, l'on peut dire, on a mis ce mot à la rime parce qu'il est déjà rare, c'est pour lui donner encore plus d'éclat, plus de valeur, ou bien on peut dire, ce n'est jamais facile de trouver un mot à la rime, donc on a été chercher un mot hyper rare, parfois même fabriqué, pour se débarrasser d'un problème de versification. Avaler est tellement fréquent et également dans les textes en prose qu'on ne peut pas évoquer ici le fait de sa position en rime pour des questions de mise en valeur ou simplement de problèmes de versification. La deuxième chose que l'on pourrait croire, c'est que Chrétien a vraiment voulu mettre en valeur cette action, hein, qui est très vivante, hein, en précisément plaçant toujours à la rime le verbe de mouvement. Et si vous examinez les mots dans les contextes que je vous ai donnés, vous pouvez constater en effet que d'autres verbes un peu plus ternes ne sont pas placés en rime. Par exemple, hein, si je lis la suite 2987, etc. Tant qu'à une roche approche et que l'œuf à la roche touche, qu'il ne peut aller avant et il vit par l'œuf avalant une nef qui d'amont venue. C'est très intéressant. Nous avons des verbes un petit peu neutres comme il peut, il pue, il vit, hein, il vit. Tandis que les verbes concrets, et en particulier qui désignent quelque chose qui bouge, sont tous à la rime. Approach, touch, avalant et venouer. Si nous prenons l'exemple d'après, 3052, je vous lis le passage. La salle fut devant la tour et les doges devant la salle. Les valets celle par aval. Que constatons-nous? Le verbe complètement neutre, fut, neutre au plan sémantique, est à l'intérieur du verbe. Le verbe qui dit quelque chose, hein, qui présente vraiment une action, aval, est en arrière. Cette analyse s'applique, ne s'applique pas partout, mais elle fonctionne assez bien. De toute façon, personne ne peut récuser que avaler est exclusivement en arrière dans ce texte. Une autre raison, c'est que dans Chrétien de Troyes a une grande tendance à grouper ces verbes en fin de vers, j'en parlerai lors de questions, plutôt j'en écrirai lors de questions de syntaxe dans le cours. J'en viens maintenant très rapidement au français moderne. Qu'est devenu le verbe avaler? Bien, le verbe avaler en français moderne a pris dans la langue courante le sens spécifique de faire descendre des aliments. C'est un verbe exclusivement transitif et qui est spécifié à un sens particulier. C'est très étonnant, si l'on considère du moins le texte que nous avons sous les yeux, dans Perceval, ce sens n'est pas du tout attesté, et dans de fort nombreux textes d'ancien français, il n'est pas attesté non plus. Aujourd'hui, le verbe courant pour dire la notion de faire déplacer ou se déplacer de haut en bas, c'est le verbe descendre. Alors, on peut très bien expliquer, si l'on veut, ce qui s'est passé. Le verbe avaler ayant pris le sens spécifique de faire descendre les aliments, il nous a fallu prendre un autre verbe pour signifier la notion de descendre. Cet autre verbe, d'où le tirons-nous? Eh bien, nous n'avons pas fabriqué de rien. Lui aussi était très présent en ancien français. Et maintenant, j'en viens au deuxième point de mon exposé. Le verbe descendre est parfaitement attesté dans notre Perceval. Il vous suffit de le constater. J'ai un peu plus d'attestation encore que pour avaler dans l'ensemble de Perceval, ce qui veut dire que c'est un verbe très courant. Vous éteignez la cassette, vous méditez sur tous les exemples que vous lisez et vous essayez de voir à la lumière de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ce qui peut-être caractérise le verbe descendre dans Perceval. Et tout d'abord, pourquoi y a-t-il deux verbes? Avaler et descendre ont-ils des nuances d'emploi? Je vous laisse réfléchir et je donne des réponses. La réponse est oui, mais ça crève les yeux. Descendre n'est pas toujours à la rime. Descendre signifie massivement descendre de cheval. Je ne voudrais pas, moi, cavaler, excusez l'expression familière dans la fin de l'exposé. Aussi entendrez-vous dans l'enregistrement numéro 4 mon petit commentaire sur l'ensemble des attestations de descendre dans le Perceval de Chrétien de Troyes. Elles sont assez surprenantes si on oppose aux attestations, si on oppose leur fonctionnement à celui des attestations de Avalé. J'en ai terminé avec cet enregistrement numéro 4. Le prochain sera l'enregistrement numéro 5. J'ai peut-être commis un lapsus tout à l'heure. Et je vous remercie.